together, boys and girls, this is Bumpin' Roach. Bumpin' Roach, Bumpin' Roach, Bumpin' Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. I'm gonna have to get a gun. Seems like everybody else has one. I'm not the hipster type. Don't give a fuck about the hype. And it's better to stay in and think of insects in my skin. I'm never north, north, I'm northwest. I know a buzzard for my hand, so that's the test. I wonder why I'm born, 'cause I lie awake at dawn. Seems I've borne the cross too long for all the ones who did me wrong. They'll shoot you. They'll shoot you in the back. They'll shoot you down like meat. They'll shoot. Allez, en route pour la 5ème édition des triplettes de Pop and Rock sur RVR. Le principe, un artiste ou un groupe pour 3 morceaux enchaînés, quoi de mieux pour découvrir un nouvel artiste. Ce soir, nous commençons avec un presque habitué de Pop and Rock, Karl Barat, avec ses chacals. Pour le premier morceau, c'était Get a Gun. On enchaîne avec deux autres, Sister, et tout de suite, A Storm is Coming, Karl Barat et ses chacals. Everybody's wasted. Scarlett pour Rapid Eyes Movement, sommeil paradoxal, en tout cas que je dorme ou que je rêve, pour moi R.E.M. sera toujours dans mes playlists et ce soir les trois titres seront dans l'ordre. Orange Crush, Turn You Inside et pour terminer I Remember California, R.E.M., le groupe de Michael Stipe. We'll be right back. Yeah. grand écart dans Pop and Rock, grand écart non pas chronologique, parce que Sad Lovers, qu'on va écouter à présent pour notre troisième triplette du soir, Sad Lovers, c'est tout à fait contemporain de R.E.M., mais grand écart dans le style musical. Mais vous le savez, c'est la marque de Pop and Rock, alors pas d'état d'âme, on part pour trois titres des Sad Lovers and Giants, on commence par Things We Never Did, on enchaîne avec mon morceau préféré des Sad Lovers qui s'appelle Like Thieves, et on terminera avec Return to Clock Tower Lodge, Sad Lovers and Giants. Allez, on reste outre-Manche, mais on revient dans les années 2010 avec Savages. Rappelez-vous ce groupe de filles anglaises qui tolèrent une française au chant. Les trois morceaux de ce soir et dans l'ordre seront en 1, Husbands, je crois qu'il faut dire avec l'accent, hein, comme ça, je suis pas très fort, mais tant pis, on essaye. En 2, Adore. Et en 3, She Will, version live. Savages. adore life. I adore life. I adore life. I adore Voilà, la cinquième édition des triplettes de Pop and Rock se termine, et dernier grand écart aussi bien musical que géographique, puisqu'on passe du Londres branché au fin fond du Canada pour retrouver le bluegrass du groupe The Dead South. Et sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, murmure même endroit, bis à tous. I play mine too, while I wait for you. Go. see my redhead mistress, tear-shed queen bee Miss Squeaks. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Felt the burn of your love. You're just naive, boy. You better leave, boy.